Hallelujah. Alleluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So viewers, we have seen that the Lord is speaking to the church. Alors, auditeurs, nous avons vu que le Seigneur est en train de parler à l'Église to another dimension, dans une autre dimension, to another level, dans un autre niveau. We have seen that by presenting two golden, and I'm talking pure gold. Et nous avons vu que j'ai présenté deux en or, et je parle de pur or. Gold and purified gold. En or purifié. Two mightily glorious and golden wedding rings, rich gold, into the sky. Deux puissamment glorieux anneaux de noces en or, en pur or, dans le ciel. Very identical. Très identique. One for Christ the King. Un pour Christ le roi. Christ the Messiah, the chief bridegroom. Christ le Messie, Christ l'époux chef. And the other ring. Et l'autre anneau. For the church. Pour l'Église. The bride of Christ. L'épouse de Christ. We have seen very clearly that the Lord is essentially conveying a message to the church. On peut voir que essentiellement le Seigneur transmet un message à l'Église. And that message has a time aspect. Et ce message a un aspect temporel. And a quality aspect. Et un aspect de la qualité. The message is talking about the urgency with which the church has to prepare herself. Le message parle à propos de l'urgence que l'Église a à se préparer. The time. Le temps. Time having run out. Le temps s'en va très vite. And the message is also talking about. Et le message est aussi en train de parler à propos. The need to develop quality to purify herself, to be purified by the Holy Spirit. Le besoin de développer la qualité de se purifier soi-même, d'être purifié par le Saint-Esprit. So she may enter the kingdom of God. Afin qu'elle puisse entrer dans le royaume de Dieu. Now viewers, we have also seen that by placing the two golden and preciously developed wedding rings in the sky. Nous avons déjà vu qu'en plaçant les deux anneaux de noces en or et précieusement développés dans le ciel, the Lord is speaking about le Seigneur est en train de parler à propos how much time it has taken him to develop and design the wedding rings. Combien de temps ça lui a pris pour développer et dessiner les anneaux de mariage. You get a sense of the Lord taking his time. Ça vous donne un sens que le Seigneur prend son temps. To build the wedding rings, to develop the wedding rings, design the wedding rings, and I see something like he has preserved some very antique design. Construire une bague de mariage, développer une bague de mariage, dessiner une bague de mariage, et j'ai vu quelque chose comme il a préservé un dessin très antique. He has kept an old design of the wedding rings. Il a gardé un vieux dessin sur l'anneau de mariage. The Lord is speaking to the church viewers. Le Seigneur est en train de parler à l'Église, auditeur. We have seen that every time there is going to be a wedding. On a vu que chaque fois qu'il va y avoir un mariage, surely there has to be wedding rings. Certainement, il va y avoir des anneaux de mariage. And surely there have to be wedding gowns. Et certainement, il y aura une robe de mariée. One wedding gown for the bridegroom. Une robe de mariée pour l'époux. And the other wedding gown is always for the bride. Et l'autre robe de mariée est toujours pour la mariée. And viewers, we have seen very clearly. Et auditeurs, vous voyez très clairement that the bridegroom in this wedding que l'époux dans ce mariage is not any other bridegroom et aucun autre époux in this very historic and unique wedding dans ce très historique et unique mariage that the nations of the earth have never seen and will never see after which, que aucune nation dans le monde n'ont jamais vu et ne verront encore jamais, we've seen that the bridegroom here is none other than Christ the King. Vous voyons que l'époux ici n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, le roi. Christ the Messiah, our beloved and precious Lord. Christ le Messie, notre bien-aimé et précieux Seigneur. And so, viewers, I've been walking with you. Et alors, auditeurs, je travaille avec vous. On unraveling, unearthing. À démêler et à déterrer. On digging out the mighty message that is embedded in the wedding rings to the church. Pour creuser le puissant message à l'église qui est intégré dans la bague de mariage. Supposed to be conveyed to the church. Suppose être transmis à l'église. Even as the Lord spoke with me. Même si le Seigneur parle avec moi. On that mighty 1st of November. En ce grand 1er novembre, the year 2006. En l'année 2006, because you see very clearly, auditeur, vous voyez vraiment clairement that Christ the Messiah is already glorious. Que Christ le Messie est déjà glorieux. He is resurrected, the Spirit of the Lord raised him from the dead. Il est ressuscité, l'Esprit du Seigneur l'a ressuscité de la mort. And then he was raptured on the Mount of Olives. Ensuite, il a été enlevé au Mont des Oliviers. Right in the eyes of the disciples. Juste sous les yeux des disciples. And then the two witnesses came down. Et ensuite, les deux témoins sont descendus. And spoke with the disciples. Et ont parlé avec les disciples. And he entered heaven. Et il est entré dans le ciel. King of glory, roi de gloire, seated on the right hand side of the Father, our Lord in heaven, assis à la droite de notre Dieu, le Seigneur du ciel. That is the chief bridegroom, the King of glory. Ça c'est l'époux chef, le roi de gloire. We have also learned, nous avons aussi appris, that there is not going to be unequal yoking. Et ça ne va pas être un joug égal. There is not going to be yoking between wickedness and righteousness. On ne peut pas mettre dans le même attelage ce qui est mauvais, méchant et ce qui est juste. Between darkness and light. Les ténèbres et la lumière. And we have seen that Christ is seated in the glory of the Lord. Et nous avons vu que Christ est assis dans la gloire du Seigneur. He is glorified. Il est glorifié. He was glorified the day he was resurrected. Il a été glorifié le jour où il a été ressuscité. And I remember very well that mighty, mighty vision of the Lord when the Lord was calling me. Et je me souviens très bien de cette très grande vision du Seigneur quand le Seigneur m'a appelé. He showed me how Christ struggled. Il m'a montré combien Christ a lutté. Not on earth on the cross, but under, when he went under. Non pas quand il était là sur la croix, sur la terre, mais dessous, quand il est descendu. And how he defeated the enemy. Et comment il a vaincu l'ennemi. And so much glory came and removed him from there. Et tellement de gloire est venue et l'a enlevé de là. And he was taken up in the glory of the Lord. Et il a été pris dans la gloire de Dieu. So he is already glorified. Alors il est déjà glorifié. Seated even on the right hand side of the Father. Même assis à la droite du Père. That means he is already wearing the glorious wedding gown. Ça signifie qu'il a déjà revêtu la robe de mariée. For the bridegroom. De l'époux. And we see very clearly that by presenting the two wedding rings in the sky. Et vous voyez très clairement qu'en présentant les deux bagues de mariage dans le ciel, our Father, Jehovah El Shaddai, notre Père Jéhovah El Shaddai, Jehovah Adonai, Jehovah Adonai, he is speaking to the church. He said, look, the wedding rings are ready. Est en train de parler à l'église, disant, regarde, Les anneaux de noces sont prêts. You too now prepare the wedding gown. Vous aussi, préparez la robe de mariée. But there is a quality aspect to that preparation of the wedding gown. Mais l'aspect de la qualité pour la préparation de cette robe de mariée. Because by looking at how much time. Parce que en regardant combien de temps he took to design and develop the wedding ring. Il a pris pour dessiner et développer les bagues de mariage. How much time he took to build the wedding rings. Combien de temps il a pris pour construire ces bagues de mariage. You begin to understand. Vous commencez à comprendre that he equally expects the church. Que également il espère, il s'attend à ce que l'église to take a lot of time to develop the wedding gown. Prenne beaucoup de temps pour préparer la robe de mariée. Let's read the Bible in the book of 1 Thessalonians. Regardons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Chapter 4. Chapitre 4. Again, 1 Thessalonians, precious people. 1 Thessaloniciens, cher peuple. I'm reading chapter 4. Chapitre 4. Verses 16 and 17. Versets 16 et 17. This is the revelation the Lord has given to the church. Ça, c'est la révélation que le Seigneur a donnée à l'église. He says, for the Lord himself will come down from heaven. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. With a loud command. Avec le haut commandement. With the voice of the archangel. À la voix de l'archange. And the trumpet call of God. Et au son de la trompette de Dieu. And the dead in Christ will rise first. And he says, after that we who are still alive. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. And are left. Qui seront restés. Will be caught up together with them in the clouds. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. To meet the Lord in the air. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. You see very clearly here. Vous voyez très clairement ici. That there is a secret embedded in the message of the wedding rings. Qu'il y a un secret impliqué dans le message de l'anneau de noces. And when you look very carefully at this scripture here in 1 Thessalonians chapter 4. Et quand nous regardons très clairement dans ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verses 16 and 17. Les versets 16 et 17. You begin to see the unraveling of this secret to the church. Commencez à voir le démêlé de ce secret à l'église. This is the message the Lord is giving to the church. Ça, c'est le message que le Seigneur est en train de donner à l'église. He says, the Lord himself will come down from heaven. Il est dit, le Seigneur lui-même va descendre du ciel. That is heaven. Ça, c'est le ciel. The Lord coming down from heaven into the sky. Le Seigneur descendant des cieux dans le ciel. And then the dead in Christ. Et après, les morts en Christ. After the voice of the archangel, the trumpet call of God. Après la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. The dead in Christ will be the first resurrect. Les morts en Christ vont être premièrement ressuscités. And be caught up with the Lord where? In the sky. À la rencontre du Seigneur ou dans le ciel. And then he says, after that, then those who are still alive. Et ensuite il dit, après ça, ceux qui sont encore vivants will be transformed, seront transformés, translated in their glorious bodies, transférés dans un corps glorieux. To catch up with the Lord where? In the sky. Pour rattraper le Seigneur où? Dans le ciel. The Lord come into the sky. Le Seigneur vient dans le ciel. The dead rapturing and resurrecting in glorious bodies through the sky. Les morts enlevés et ressuscités dans des corps glorieux au ciel. The living translated to the sky. Les vivants transférés au ciel. And yet the Father on the 1st of November 2006 at 3 a.m. Et Ensuite, le père, le 1er novembre 2006, à 3h du matin, remove the wedding ring from heaven and places in the sky. Déplacer les bagues de mariage depuis les cieux dans le ciel. Alléluia. Alléluia. That tells you. Ça vous dit. That the wedding rings have already been placed at the place of the wedding, the site of the wedding. L'endroit du mariage. That is in the sky. C'est dans le ciel. And that tells you that the wedding of the Lamb of God. Et je vous dis que le mariage de l'agneau de Dieu will take place in the sky. That's where we meet the Lord. Aura lieu dans le ciel. C'est là qu'on rencontre le Seigneur. Heaven opens and the rapture takes place. Le ciel s'ouvre et l'enlèvement prend place. Meeting, uniting with the Lord is the wedding, being united with the Lord. Rencontrant et étant uni au Christ, c'est le mariage. Alors soyez unis au Seigneur. What a mighty revelation. Quelle grande révélation. And that tells the church. Et ça dit à l'église. That if the wedding rings are talking about the necessity. Les anneaux de mariage parlent à propos de la nécessité. The need for the church to prepare the glorious wedding gown. Le besoin pour l'église de préparer la glorieuse robe de mariée. Even proportionate with the much time the Father has taken to really design and develop and to decorate the wedding ring. Même proportionné avec tout le temps que le Père a pris vraiment pour dessiner, développer et décorer les bagues de mariage. If the church is to decorate a spotless gown like the Bible has ordained and commanded. Si l'église pouvait décorer une robe de mariée sans tache comme la Bible en parle. Then there is not much time. Alors il n'y a plus beaucoup de temps. That means she has a very small window to quickly prepare. Ça signifie qu'elle a une très petite fenêtre pour très vite se préparer. For the glorious wedding, the pour wedding, le glorieux mariage. The wedding of the Lamb, le mariage de l'agneau. To prepare her wedding gown. Pour préparer une robe de mariée. But where is the wedding gown? Où est la robe de mariée? Now listen to me. Alors maintenant écoutez-moi. We have now seen. Nous avons vu maintenant. That the Father puts the wedding rings in the sky at the site of the wedding. Nous avons vu que le Père a placé les bagues de mariage à l'endroit du mariage. That's where everybody meets the Lord, unites with the Lord. That's the wedding. Ça, c'est là où chacun rencontre le Seigneur. Ça, c'est le mariage. And then heaven opens. The church then goes into the wedding supper of the Lamb of God. Et ensuite, le ciel s'ouvre. L'église va au festin de noces de l'agneau de Dieu. That means she doesn't have much time. The rings are ready. Ça signifie qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Les anneaux sont prêts. And not only are they ready. Et non seulement ils sont prêts. But they are at the place of the wedding. Ils sont déjà à la place où aura lieu le mariage. The revelation is that the wedding might take place anytime from now. La révélation, c'est que le mariage peut prendre place n'importe quand depuis maintenant. And that means the church needs to move very fast. Ça signifie que l'église doit se transporter très vite. And make sure that the gown she wears. Et être sûr que la robe de mariée qu'elle revêt is spotless. Sans tache. Spotless, like the Bible has ordained. Sans tache, comme la Bible a ordonné. The book of Revelation, chapter 19, verse 7. Dans le livre de l'Apocalypse 19, verset 7. We're talking about the wedding gown. Il parle à propos de la robe de mariée. We're talking about the message that the Lord is giving the church. Il est en train de parler à propos du message que le Seigneur donne à l'église. By presenting the wedding gown. En présentant la robe de mariée. In the sky. Dans le ciel. And we realize now that the message is that look, for every wedding there are rings and a wedding gown. Et vous réalisez que le message est pour chaque mariage, regardez, il y a des anneaux de mariage et une robe de mariée. My part has been done. I have already prepared the wedding rings. Ma part a été faite. J'ai déjà préparé les anneaux de noces. You too get ready with a spotless gown. Vous aussi, soyez prêts avec une robe de mariée sans tache. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. The book of Revelation 19, verses 7 to 9, it says. Le livre de l'Apocalypse 19, versets 7 à 9, il est dit. Let us rejoice and be glad and give him glory. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. For the wedding of the Lamb has come. Car les noces de l'agneau sont venues. And his bride has made herself ready. Son épouse s'est préparée. Fine linen. Fin lin. Listen to that. Fine linen. Écoutez ça. Fin lin. Bright and clean. Éclatant et pur. Lui a été donné de se revêtir. Alléluia. Alléluia. And in this Bible it says fine linen stands for the righteous acts of the saints. Et dans cette Bible, il est dit car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. The holiness of the saints. La sainteté des saints. Then the angel said to me, write. L'ange me dit, écris. Blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. And he added, these are the true words of God. Les vraies paroles de Dieu. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. First of all, in that scripture. Premièrement, dans cette écriture. He is talking about the entire heaven. Il est en train de parler du ciel tout entier. Saying, let us rejoice and be glad. Et disant, réjouissons-nous et soyons heureux. For the wedding of the Lamb has come. Car les noces de l'agneau sont venues. And we know that the Lamb is worshipped in heaven. Car nous savons que l'agneau est adoré dans le ciel. All the angels worship him. Tous les anges l'adorent. They say, glory be unto the Lamb, he has purchased for God. Ils disent, gloire à l'agneau, il a racheté pour notre Dieu tous les gens et les nations de la terre. When the blueprint for man's salvation was supposed to be broken open, the seven seals. Quand le plomb pour le salut de l'homme était supposé cassé, ouvert, les sept sceaux. They searched under the earth. Ils cherchent sur la terre. They searched in heaven. Ils cherchent dans le ciel. And above heaven. Et au-dessus du ciel. And nobody was found that was worthy to open the seven seals. Et personne n'était digne d'ouvrir les sept sceaux. And then the angel said, et l'ange dit, don't worry, the lion of the tribe of Judah. Ne vous en faites pas, le lion de la tribu de Judas. He has triumphed again. A encore triomphé. He is worthy of opening the seven seals. Il est digne d'ouvrir les sept sceaux. For the blueprint of man's salvation. Pour le plan de salut de l'homme. Alléluia. Alléluia. In other words. Dans d'autres mots. He is the King of glory, the darling of heaven. Il est le roi de gloire, le bien-aimé du ciel. The mighty God, mighty Savior. Le puissant Dieu, le puissant Sauveur. All authority in heaven. Toute autorité dans les cieux. And on earth has been given to him. Et sur la terre lui ont été donnés. How mighty is the day of his wedding in heaven? Combien puissant est le jour de ce mariage dans le ciel? That's why you see they're saying, let us rejoice and be glad for the wedding of the Lamb has come. C'est pourquoi vous voyez, ils disent, réjouissons-nous et soyons heureux, car le mariage de l'agneau est venu. There's big excitement in heaven. Il y a une grande excitation dans le ciel. Emphasizing the fact that that is the biggest day in the calendar of heaven. Mettant l'accent sur le fait que c'est le plus grand jour dans le ciel. The day of the wedding of the Lamb of God. Le jour des noces de l'agneau. And that is the most important day. Et ça, c'est le jour le plus important. In the calendar of the church. Dans le calendrier de l'église. Because that is the first time. Parce que ça, c'est la première fois. The church is able que l'église est capable to cross from death and enter into the kingdom of God. De passer de la mort et entrer dans le royaume de Dieu. Remember, the church was created as part of the kingdom of God. Souvenez-vous, l'église a été créée comme une part du royaume de Dieu. Remember, the church does not belong to the earth. Souvenez-vous, l'église n'appartient pas à la terre. The church belongs to heaven. L'église appartient aux cieux. I know there's a lot of confusion right now. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion juste maintenant. She is in a place where she's more earthly than heavenly right now. Elle est dans une place où elle est plus terrestre que céleste juste en ce moment. She's preaching a horizontal gospel. Un évangile horizontal. She's connecting her heart with the things of the world, an earthly gospel. Elle connecte nos cœurs aux choses du monde. C'est un évangile terrestre. This is the equivalent of the outer court gospel that I talked about. C'est l'équivalent de l'évangile de la cour extérieure dont j'ai déjà parlé. When I handled the nature, the gold. Quand je parlais de la nature, l'or. The revelation about the gold that makes up the wedding rings. La révélation à propos de l'or qui fait l'anneau de mariage. She's very earthly. Elle est très terrestre. She's preaching a gospel that's talking about the blessings of the earth. Elle est en train de parler d'un évangile qui parle des bénédictions de la terre. And yet the Bible says, connect your hearts to the treasures in heaven. Et la Bible dit, attachez vos cœurs au trésor du ciel. Where there are no moths, où il n'y a pas de mythe, no rust, no, pas de rouille, or no thieves breaking in and stealing, ou pas de voleurs qui percent et dérobent. Everlasting treasure. Un trésor éternel. So your heart may be there. Alors vos cœurs doivent être là. Alléluia. Alléluia. She is not preaching a gospel that connects her into the kingdom of God at all. De toute manière, elle ne prêche pas un évangile qui la connecte au royaume de Dieu. She's preaching horizontal, not vertical to the Lord. Elle est en train de prêcher à l'horizontale et non à la verticale au Seigneur. Alléluia. Alléluia. And so, you see very clearly. Et donc, vous voyez très clairement that she is supposed to have been aware qu'elle est supposée de savoir that the day of the wedding of the Lamb of God que le jour des noces de l'agneau de Dieu, the day of the wedding of the Messiah, le jour du mariage du Messie, is the most important day in her calendar as the bride of Christ. C'est le jour le plus important dans son calendrier étant l'épouse de Christ. The perfect bride. La parfaite épouse. Because that's the day. Parce que c'est le jour. Of make or break. Parce que c'est le jour où on fait ou on défait. Either she's in or she's out. Ou bien elle est dedans, ou bien elle est dehors. Alléluia. Alléluia. And we see very clearly here. Et vous voyez vraiment clairement ici. That the rejoicing in heaven is coming out of which part? Que la réjouissance dans le ciel vient de quel fait? Out of the fact that and his bride has made herself ready. Hors du fait que et son épouse s'est préparée elle-même. That is the church. Ça c'est l'église. And he says fine linen. Et il dit du fin lin. Right and clean has been given her to wear. Pur et juste lui a été donné de se revêtir. Are we there, somebody? Est-ce que vous êtes là? Fine linen. Du fin lin. That is the wedding gown that has been given her to wear to prepare her for the wedding. Ça, c'est la robe de mariée qui lui a été donnée pour qu'elle puisse se préparer pour les noces. So now that she's putting it on, heaven is rejoicing, somebody. Alors maintenant, comme elle est en train de la mettre, le ciel se réjouit. Isn't that the most important day in heaven? Est-ce que ça n'est pas le jour le plus important dans le ciel? Every woman that knows that she's going to wed, chaque femme qui sait qu'elle va se marier, that becomes her most important day. Pour elle, ça devient le jour le plus important. On an earthly level here. sur un plan terrestre. Which is just a little drop in the ocean. Ce qui est juste une petite goutte dans l'océan. By comparison of magnitude. En comparaison de l'ampleur. How important the day of the wedding of the Lamb. Combien important le jour des noces de l'agneau. Is in the kingdom of God. Est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. And so by presenting the two golden wedding rings in the sky. Et alors, en présentant les deux anneaux d'or de mariage dans le ciel. Pure gold, well designed. It took a lot of time to decorate them. De l'or pur, bien dessiné. Ça prend beaucoup de temps pour les décorer. He's saying, you to decorate your gown, make sure it's spotless. Vous aussi, décorez votre robe de mariée et soyez sûr qu'elle n'ait pas de tache. You to take time to get rid of all spots. Vous aussi, prenez du temps pour enlever toutes les taches. It's a warning to the church. C'est un avertissement à l'église. It speaks about the perfection of God. Il parle à propos de la perfection de Dieu. And there is nothing the church can complain about. Et il n'y a rien à propos duquel l'église a raison de se plaindre. And say she has not been given. Et dire que ça ne lui a pas été donné. Alléluia. Alléluia. The same Holy Spirit that glorified the Lord in his wedding gown. Le même Saint-Esprit qui glorifie le Seigneur dans sa robe de mariée. And raptured him on the Mount of Olives is available to the church. Le même esprit qu'il a enlevé au Mont des Oliviers est disponible pour l'église. To prepare the wedding gown. Pour préparer la robe de mariage. Remember the wedding gown was prepared in Isaiah 53. La robe de mariée était préparée dans Ésaïe 53. When Jesus died. Quand Jésus est mort. He was crucified. Il était crucifié. That was the process of preparing the wedding gown for his bride. Ça, c'était le processus de préparation de la robe de noces de son épouse. It was a torturous process. C'était un procédé de torture. Isaiah 53. Ésaïe 53. He was crushed. Il était brisé. He was torn for our iniquities and sins. Déchiré pour nos iniquités et pour nos péchés. But listen to this. Mais écoutez ça. After one becomes a Christian, après que quelqu'un soit devenu chrétien, receives Christ, reçoive Christ, the wedding gown is freely given to you. La robe de mariée vous est librement donnée. That means every single human being walking the earth. Ça signifie que chaque être humain marchant sur terre qualifies, has a right to the wedding gown. Acquiert le droit à la robe de mariée. He died for them. He died for all of them, the 6 billion or plus. Il est mort pour eux. Il est mort pour chacun d'eux, les 6 milliards ou plus. Each of them, by receiving Christ, the blood of Jesus, has a right to the wedding gown. Chacun d'eux, en recevant Christ, le sang de Jésus, a droit à la robe de mariée. But listen to this now. Alors écoutez ça maintenant. The problem is. Le problème est. That in the process of walking in the faith, walking in this Christian walk. Que dans le processus de la marche de la foi, de la marche chrétienne. Walking in this new salvation of the Lord. Marchant dans ce nouveau salut du Seigneur. Many times there are many spots that come on the gown that the church wears. Bien souvent, il y a beaucoup de taches qui viennent dans la robe de noces. Alléluia. Alléluia. No wonder. Pas étonnant. The Lord has opened a mighty door of repentance. Le Seigneur a ouvert une puissante porte de repentance. So she may clean up the stains. Alors elle peut nettoyer les taches. On the gown. Sur la robe. Alléluia. Alléluia. So every Christian. Alors chaque chrétien. Has a wedding gown. A une robe de noces. By right. Il en a le droit. Because she was already purchased. Elle était déjà rachetée. But how many Christians have kept their wedding gowns spotless? Alors, combien de chrétiens ont gardé leur robe de noces sans tache? Alléluia. Alléluia. Alléluia.